Chapitre 2. Xavier Duprat était le quatrième enfant d'un conseiller à la cour de Metz. Ses parents, ayant trois filles à doter, avaient donné à leur fils pour tout patrimoine une éducation soignée et de belles relations. Après l'avoir fait élever chez les pères du collège Saint-Augustin, il l'avait envoyé à Paris suivre les cours de la faculté de droit. Le jeune homme avait quitté sa famille, ayant en poche une maigre pension de 1800 francs, mais muni d'une ample provision de sages conseils, analogues à ceux que Polonius donne à son fils Laërte dans Hamlet, être toujours en religion et en politique pour les principes d'ordre et d'autorité, ne jamais heurter les bienséances ni fronder les personnages officiels, se lier de préférence avec des gens placés plus haut que soi sur l'échelle sociale, faire la cour aux femmes âgées, se défier de son premier mouvement, parler peu et beaucoup écouter. Le jeune Duprat, doué d'une forte volonté, d'un esprit délié et d'une ambition peu commune, avait suivi à la lettre les recommandations paternelles. Aussi avait-il réussi dans le monde et était-il arrivé à Villotte avec la réputation d'un homme distingué, sérieux, appelé aux plus éminentes positions. Façonné par les bons pères du collège Saint-Augustin, il avait appris de bonne heure à se conduire prudemment et adroitement dans la vie. À une époque où une certaine religiosité était revenue à la mode, il savait allier dans une juste mesure les pratiques dévotes et les distractions mondaines, assistant le même jour aux conférences d'un père lazariste et au bal du préfet, passant légèrement sur sa dévotion un aimable vernis d'homme bien élevé, en un mot, doux, poli, insinuant, réservé, ayant tout ce qu'il faut pour se pousser convenablement dans le monde. Il faisait merveille dans cette petite ville où les mères le citaient comme exemple à leurs fils adolescents, et où les pères de filles nubiles le regardaient d'un œil fort doux. Perspicace et fin comme il était, il s'aperçut de l'impression qu'il avait produite sur Madame Lafrogne. Plus d'un homme de son âge eût été facilement induit à la tentation. La jeune femme était jolie à souhait, élégante, riche, dans une position à flatter grandement la vanité d'un conteur de fleurettes. En outre, il était évident que son mari la négligeait, qu'elle s'ennuyait de la vie qu'on lui faisait mener, et qu'elle n'eût pas été fâchée de trouver un consolateur. Mais Xavier Duprat était prudent et réfléchi, et bien que ses 25 ans le démangeassent fort dans une petite ville dépourvue de ressources, il tenait avant tout à ne pas se compromettre et ne voulait s'avancer qu'à coup sûr. Le fruit défendu le tentait, mais il désirait que la branche vînt d'elle-même se mettre à portée de sa main. Bref, par une compromission de conscience, qu'il n'est pas rare de rencontrer chez les natures plus habiles que droites, il voulait bien pécher pourvu qu'aux yeux du monde, il pût se donner les apparences d'un galant homme qui n'a succombé qu'à son corps défendant. Aussi se garda-t-il de profiter de la permission octroyée par Laurence et de lui apporter sur le champ les livres dont il avait parlé. Pendant une quinzaine, il se tint sur la réserve, se contentant d'envoyer de respectueuses œillades dans la direction de la fenêtre de sa voisine. Il fut récompensé de sa patience, car un beau dimanche, il reçut la visite de Germain Lafrogne en tenue de cérémonie. Xavier Duprat se montra à son propriétaire sous le dehors d'un garçon sérieux, timide, tout entier à son affaire. La conversation fut affable et cordiale. En se retirant, Germain dit à Xavier « À propos, ma femme a pris de vous rappeler que vous lui aviez promis des livres. » Le jeune homme mit son oubli sur le compte de ses nombreuses occupations et proposa à M. Lafrogne de se charger lui-même des volumes. « La demande de Mme Lafrogne est peut-être indiscrète, » reprit le mari. « Excusez-la, c'est une liseuse et notre bibliothèque n'est pas très bien garnie. » Xavier prit son rayon Valentine, la confession d'un enfant du siècle et les poésies de Musset. Puis il les remit à l'honnête Germain, qui emporta innocemment ses livres, dont il ne connaissait même pas de nom les auteurs. Pour un dévot, le choix était au moins singulier. Mais Xavier pensait probablement qu'il faut donner aux gens les livres appropriés à leur goût, et que les esprits comme les estomacs féminins s'accommodent mieux des friandises que des viandes solides. Avant de reparaître chez Lafrogne, il attendit patiemment que les œuvres de Musset et de George Sand eussent produit tout leur effet sur la jeune imagination de Laurence. Il se bornait, le matin ou le soir, à la saluer de sa fenêtre. Mais il ne négligeait aucune occasion de lier conversation avec le mari. Il l'accompagnait même une après-midi à sa ferme de Rambercourt. Laurence n'était pas de la partie, et Germain, en vrai propriétaire, promena son hôte dans tous les coins de son domaine, lui fit admirer son chenil, ses étables, ses engrangements, et le ramena la nuit éreinté et fourbu. La Frogne cadet était enchantée de son locataire. « Il est très bien, ce jeune homme, » dit-il à sa femme et à Hyacinthe. « C'est un garçon ferré sur le code et un aimable compagnon. Un peu trop cérémonieux, par exemple. J'avais l'intention de le faire souper avec nous, à la fortune du pot. Croirez-vous qu'il n'a jamais voulu monter ?»« Il a fait un tas de façons, et ma foi, je l'ai laissé. Je ne pouvais pas le prendre au collet, n'est-ce pas ?» Laurence se contenta de sourire d'un air un peu dédaigneux, mais intérieurement elle était froissée. Elle en voulait à Xavier de cette réserve excessive. Depuis 15 jours, le travail de cristallisation dont parle Stendhal s'opérait doucement dans la tête de la jeune femme. Le printemps avec ses tiédeurs, le lyrisme des livres prêtés par M. Duprat, aidèrent encore à cette silencieuse floraison de l'amour. Pelotonnée sur sa chaise longue, derrière ses rideaux ensoleillés, Laurence dévorait les nuits, et de temps à autre, par l'entrebâillement des stores, jetait un coup d'œil sur la fenêtre de Xavier. Parfois, aux heures claires de la matinée ou le soir, à la brune, elle l'apercevait feuilletant ses dossiers. Après souper, elle revenait s'accouder sans lumière derrière ses persiennes et se plaisait à le suivre, allant et venant dans son cabinet éclairé discrètement par une lampe posée sur le bureau. La fenêtre du jeune homme restait ouverte bien avant dans la nuit. Penchée dans l'ombre, Laurence distinguait les livres empilés sur la table, le globe dépoli de la lampe autour duquel tourbillonnaient des phalènes, attirées du dehors par la lumière. Elle voyait la svelte silhouette de Xavier se mouvoir de la table à la bibliothèque. Elle le trouvait beau, fier et triste comme le Bénédicte de Valentine. Elle lui prêtait la mélancolie dédaigneuse et passionnée des héros de Musset, et elle le plaignait de vivre ainsi toujours seul. Elle enviait les petits papillons qui pouvaient entrer à leur aise chez lui et planer sur sa table de travail. Elle aurait donné beaucoup pour pouvoir pénétrer comme eux, sans qu'il s'en doutât, dans l'austère chambre d'études, et pour lui apparaître tout d'un coup comme la muse consolatrice de la nuit de mai. Un matin, l'occasion lui fut offerte de satisfaire cette fantaisie, et elle ne sut pas y résister. Xavier était au parquet, et la femme de chambre, chargée du ménage du locataire, était venue demander à Laurence des rideaux blancs pour la fenêtre du cabinet de travail. Après un moment d'hésitation, elle résolut d'accompagner la chambrière sous le prétexte de rapporter elle-même les livres qu'on lui avait prêtés. Après tout, ce n'était pas là un gros péché, pensait-elle, et d'ailleurs, toutes les propriétaires regardent comme un devoir de veiller à ces détails de ménage. Néanmoins, son cœur battait fort en montant l'escalier de M. Duprat. Une fois dans l'appartement, on s'aperçut que les rideaux étaient trop courts. Il fallait découdre un rempli et refaire un ourlet. La femme de chambre descendit pour s'occuper de cette opération, et Laurence, restée seule, put examiner à loisir le sanctuaire où travaillait Xavier. Le cabinet était à la fois élégant et sévère comme le maître du logis. L'une des murailles était entièrement couverte par une large bibliothèque vitrée, pleine de livres aux reliures brunes et uniformes. Un grand crucifix d'ivoire sur un fond de velours noir faisait face au bureau. Çà et là, les murs étaient décorés de gravures d'après Harry Schaeffer, représentant saint Augustin et sainte Monique, Mignon aspirant au ciel, etc. Sur la cheminée, un buste d'Aguesso en bronze se dressait entre deux potiches garnies de plantes vertes aux feuillages sombres et métalliques. Le bureau était encombré de cartons, de dossiers, de livres de droit. À côté, sur un guéridon, étaient épars des gants gris-perles, un paroissien et un album de photographies. Ce dernier objet attira surtout la curiosité de Laurence. Elle en examinait curieusement la reliure en cuir de Russie, maintenue par des fermoirs d'acier bruni, et je ne sais quel démon l'a poussée à l'ouvrir. Ces albums sont le plus souvent une sorte de musée intime, dont les portraits peuvent fournir à un observateur perspicace plus d'un renseignement sur le présent et le passé de leur propriétaire. Laurence brûlait de connaître les figures qui composaient l'album de Xavier. La femme de chambre en avait bien pour une heure à rallonger les rideaux. L'audience ne se terminait qu'à 11 heures. Et il en était 10. M. Duprat ne pouvait donc rentrer maintenant, et elle avait tout le temps de contenter sa curiosité. Elle fit sauter lestement les fermoirs de l'album et l'ouvrit. En tête se trouvaient les portraits du père et de la mère de Xavier, puis 3 jeunes filles assez laides, ses sœurs probablement. Ensuite arrivait à la file des personnages graves, décorés, cravatés de blanc, figures solennelles et rasées de vieux magistrats. Enfin, toute une collection d'ecclésiastiques. Révérend père à mine doucereuse, moine au profil d'ascète, abbé mondain et souriant. Laurence poursuivait sa perquisition, rassurée par ses têtes pieuses et vénérables, mais redoutant toujours, en tournant un feuillet, de rencontrer une figure de femme, jeune et jolie, dont la présence lui révélerait quelque mystère d'amour. Tout à coup, la porte s'ouvrit, et Xavier Duprat, portant sa serviette gonflée de paperasse, parut au regard effaré de la curieuse. Elle poussa un petit cri, laissa retomber bruyamment la couverture de l'album, et une rougeur intense lui brûla les joues et le front. Xavier la considérait d'un air étonné, sévère, un peu ironique. « À vous, madame, chez moi ?» dit-il d'une voix grave, où perçait néanmoins une secrète satisfaction. Il referma soigneusement la porte, jeta ses paperasses sur une chaise et fit quelques pas vers la coupable qui se tenait devant lui, honteuse et les yeux baissés. « Oh, monsieur » murmura-t-elle, suffoquée, « que je suis confuse. Pardonnez-moi. Les rideaux étaient trop courts. Marianne est allée les rallonger et vous êtes resté. Je le vois. » acheva le jeune homme avec le même accent ironique et austère. Elle ne savait plus quelle contenance prendre et continuait de répéter en détournant les yeux. « Je suis si fâchée. Pardonnez-moi d'avoir eu l'indiscrétion d'ouvrir ce livre. »« Cela n'est rien, » reprit-il dédaigneusement. « N'en parlons plus. » »« Mais vous n'avez sans doute pas réfléchi que dans une petite ville, les démarches les plus innocentes donnent lieu à de malignes interprétations. »« Que penserait-on si l'on savait que vous êtes venu chez moi ?»« Oh !» répliqua vivement Laurence en relevant la tête. « Je suis heureusement au-dessus de pareil commérage. » Le seul tort que j'ai eu, c'est d'avoir ouvert cet album, et je serais désolé si vous ne me le pardonniez pas. Je vous répète que cela n'est rien, fit-il, toujours impassible et gourmé. Je vois à votre ton que vous me gardez rancune, monsieur. Dites-moi que vous ne me tiendrez pas rigueur à cause de mon étourderie. Non, certes, madame. Adieu, monsieur, vous ne m'en voulez pas, bien vrai. Elle lui tendait la main gentiment, mais lui, tout à son rôle de puritain, feignit de ne pas voir cette main tendue et s'inclina cérémonieusement. Elle resta immobile et douloureusement mortifiée par cette dureté dédaigneuse. La honte, le chagrin, l'excitation nerveuse provoquée par cette scène inattendue lui oppressèrent la poitrine, sa gorge se serra, ses yeux devinrent humides, et tout à coup de grosses larmes roulèrent lentement le long de ses joues. Cette naïve explosion de douleur et de confusion était si charmante que le jeune doctrinaire en fut touché à travers sa cuirasse de dignité glacée et de faux puritanisme. Ces deux belles larmes remuèrent le fond voluptueux de son tempérament bilieux sanguin. En somme, il en était arrivé à ses fins. Laurence s'était compromise sans qu'on pût l'accuser, lui, d'avoir poussé la jeune femme sur cette pente périlleuse. Après tout, il ne voulait point mal de mort à cette pécheresse et il était miséricordieux. Ses yeux retrouvèrent peu à peu leur expression câline. Il prit affectueusement l'une des mains de Laurence entre les siennes. « Non, chère madame, murmura-t-il, je ne vous en veux pas. » Sa voix avait des accents d'une mansuétude fondante. Il avança en fauteuil et força la jeune femme à s'y asseoir. Puis, accoudé paternellement au dossier, il la regarda d'un œil à la fois indulgent et charmé. Laurence, rassernée par ce changement de façon, mais encore trop émue pour parler, se bornait à tourner vers lui avec une expression de vive reconnaissance, ses noires prunelles tout humides, tandis que ses lèvres rouges souriaient. « Oh » soupira-t-elle, « que je suis contente que vous ne me gardiez pas rancune. »« Je ne vous en veux pas, » répéta-t-il en se penchant de plus en plus, « mais comprenez quelle a été mon émotion en rentrant dans ma solitude et en vous y trouvant, vous, jeune, charmante, adorable. » Il lui chuchotait ces mots dans l'oreille. Ses lèvres effleuraient presque les abondants cheveux crêplés de Laurence, dont la poitrine gonflée se soulevait encore par moments. Elle subissait de plus en plus l'influence de cette voix caressante, de ces regards câlins fixés sur sa figure, et involontairement, comme fascinée, elle tournait la tête vers lui. « C'est trop, » murmura-t-elle. « Après m'avoir grondé, voilà que vous me faites trop de compliments. » « Ce ne sont pas des compliments, c'est l'expression même de ma pensée la plus intime. » Il avait à peine achevé que sa tête se rapprocha encore, et lentement ses lèvres déposèrent deux baisers sur les yeux qui se tournaient pour lui sourire. Tout étourdie et troublée par cette lente caresse, elle ne protesta pas d'abord. Même sa tête se souleva. Ses lèvres s'avancèrent comme attirées irrésistiblement vers celles de Xavier. Puis, la réflexion lui revenant comme un coup de foudre et reprenant conscience d'elle-même, elle fut épouvantée de l'audace du jeune homme et de tout ce qu'elle avait permis. Alors à la fois honteuse et grisée, rouge, les yeux voilés, elle se leva, repoussa les mains qui voulaient s'emparer des siennes, et sans dire un mot, s'élançant vers la porte, elle disparut.